بسم الله الرحمن الرحيم سندخل اليوم في المسألة السابعة وستين soixante-septième مسألة في قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يدي ولتنذر أم القرى ومن حولها. Voici donc un livre, nous avons descendu, un livre Mubarak que nous avons fait descendre, confirmant ce qu'il y avait précédemment, c'est-à-dire les autres livres, afin que tu avertisses les gens de Mecca et ce qui est autour d'elle. Al-An'am, verset 92. قال المؤلف رحمه الله تعالى يتوهم منه الجاهل أو يتوهم منه الجاهل أن إنذاره صلى الله عليه وسلم مخصوص بأم القرى وما يقرب منها دون الأكثر النائية عنها لقوله تعالى ومن حولها ونظيره قوله تعالى في سورة الشورى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. Donc l'ignorant en lisant ce verset pourrait s'imaginer que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne devait faire son avertissement que pour les gens de Mecca et de ses alentours. C'est-à-dire en dehors de toutes les autres contrées de la terre. À cause de sa parole et de ses alentours. Et également, notre verset dans le même sens est venu dans Surat Shura, lorsqu'Allah dit également, nous t'avons révélé à toi un Coran en arabe afin que tu avertisses les gens de Mecca et de ses alentours. Et que tu avertisses d'un jour où tout le monde sera rassemblé, un jour qui ne fait aucun doute. Verset 7, Shura, dernier consultation. وقد جاءت آية أخرى تصرح بعموم إنذاره صلى الله عليه وسلم لجميع الناس كقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Et d'autres versets sont venus pour montrer que le Nabi صلى الله عليه وسلم son avertissement doit être fait pour tous les gens, ce qui est connu. Comme dans sa parole, dans le sens où il dit Allah Azza wa Jal, tabarak al-lazi, ou celui qui a fait descendre le fourqan, c'est-à-dire le discernement, c'est-à-dire le Coran, sur son serviteur afin qu'il soit un avertisseur pour le monde. Verset 1. Wa qawlihi ta'ala wa uhiya ilayya hadha al-Qur'an li'unzirakum bihi wa man balagh. Il dit, il m'a été révélé ce Coran afin que je puisse vous avertir. Et ceux à qui parviendra le message. Al-An'am, le bestiaux, verset 19. Wa qawlihi kul ya ayyuha an-nas inni rasulullah ilaykum jami'an. Dit, ô vous les hommes, je suis certes le message d'Allah pour vous tous. Al-A'raf, verset 158. Wa qawlihi wa ma arsalnaka illa kaffah. Nous t'avons envoyé que pour tout le monde, pour tous les hommes, et même les djinns. Saba, verset 28. Donc là, on a ce verset, les deux versets cités en premier qui s'opposent, qui font allusion au fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'avertisse que les gens de Mecca et de ses alentours, et les autres versets qui disent que c'est pour tout le monde. Qala jawab ibn Hujayn, la réponse sous deux angles. الأول أن المراد بقوله ومن حولها شامل جميع الأرض كما رواه ابن جرير وغيره من عن ابن عباس. Donc le premier sens voulu par ومن حولها, c'est-à-dire autour de Mecca, cela englobe toute la terre en réalité, comme l'a cité Ibn Jarir et autres selon Ibn Abbas. C'est le cas d'Ibn Abbas que حولها, ça veut dire tout ce qui est autour de Mecca, c'est-à-dire toutes les autres contrées de la terre. الوجه الثاني أن لو سلمنا تسليما جدليا أن قوله ومن حولها لا يتناول إلى القريب من مكة المكرمة حرسها الله كجزيرة العرب مثلا فإن الآية الأخرى نصت على العموم كقوله تعالى ليكون للعالم نظيرا. Donc maintenant, il dit, deuxième réponse, si on devait admettre lors du débat, si on devait admettre que ce qui est autour d'elle ne concerne pas les contrées qui sont lointaines, cela est juste valable pour Mathalène Mecca et la péninsule arabique, Mathalène, tout ce qui est en dehors n'est pas concerné par le verset en soi. Alors on dira, les autres versets sont venus et sont beaucoup plus larges. Comme il a dit, pour que tu sois un avertisseur pour le monde entier. Il faut quand verset 1. قال وذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه عند عامة العلماء ولم يخالف فيه إلا أبو ثور. Donc maintenant, le fait de citer certains éléments d'une chose générale prend également le jugement du général et non pas un tarsis. C'est-à-dire, en fait, quand on dit que tu avertis ces gens de Mecca et de ses alentours, ce n'est pas un tarsis de l'univers. C'est juste une précision, les gens de Mecca et ceux qui sont autour de Mecca, et les autres versets disent également pour tout le monde. Donc les deux vont dans le même sens. Et que le sens général, c'est pour tout le monde. Alors, en réalité, les hadiths sont très nombreux par rapport à ça. Et l'exemple qui donne le shir, « Ala qawlihi ta'ala » وأنذر عشيرتك الأقربين et avertis tes ceux qui sont le plus proches. Shu'ara, les poètes, verset 214. وإنه لا يدل على عدم إنذار غيرهم كما هو واضح والعلم عند الله تعالى. Et ce verset là qui précise que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avertit ses proches parents, est-ce que cela empêche qu'il avertisse toute la terre également? Là, c'est juste une précision à cet endroit-là qui n'exclut pas le fait de le faire pour tout le monde. Et bien c'est pareil par rapport à Mecca et ses alentours, par rapport au reste de toute la terre. Wal 'ilmu 'inda Allah 'azza wa jalla. Walhamdulillahi rabbil 'alamin.